Plusieurs publications en attestent d'ores et déjà. Certains courants marins montreraient des signes de ralentissement, d'affaiblissement. Bref, les modifications climatiques en cours auraient un impact sur la circulation océanique. Et comment en serait-il autrement compte tenu du rôle central des océans terrestres sur la régulation du climat? Il n'en reste pas moins que ces différents courants de surface, de profondeur, la circulation thermohaline dans son ensemble sont des phénomènes extrêmement complexes à cartographier et à comprendre. Qu'en sait-on? Comment les étudie-t-on et comment quantifier l'influence du dérèglement climatique en cours sur leur fonctionnement? Courant marin, accident de circulation, c'est la question fluctuante qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour essayer de tout comprendre à ces courants, à leur structure et à la façon dont ils se modifient, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sabrina Speich. Bonjour. Oui, bonjour, enchantée d'être avec vous. Enchantée que vous soyez avec nous. Vous êtes océanographe, physicienne au laboratoire de météorologie dynamique à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Bonjour Éric Gilliardi. Bonjour. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes océanographe, climatologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat, expérimentation et approche numérique. C'est l'océan. Et également à l'Université de Reading en Grande-Bretagne et à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour et bien sûr les ondes de France Culture en différé sur franceculture.fr et en podcast via votre application préférée, mais comme à chaque fois en parallèle. Et vous pouvez toujours remonter le fil Twitter de notre émission pour trouver tous les posts qui vont être diffusés au cours de cette heure pour compléter notre conversation. Ça va être intéressant notamment au cours de cette heure pour avoir un certain nombre de cartes et pour visualiser les différents courants marins dont il est question et certains mécanismes justement de circulation océanique que nous allons aborder dans notre conversation. Mais pour commencer, eh bien comme chaque jour, un détour par notre boîte à archives. Aujourd'hui, nous allons remonter jusqu'en 1964. Écoutez, c'est une manipulation qui vise précisément à cartographier les courants marins du golfe de Gascogne en jetant des bouteilles à la mer. « 22h25, le commandant de bord vient de nous le dire. Monsieur Capard, on va jeter 50 000 messages à la mer. Quel est le but de cette opération ?»« Eh bien, il y a un double but. C'est d'abord de recommencer une expérience que Belges nous avons fait ici il y a à peu près 60 ans, où nous avons voulu vérifier quelle était la direction du flot à la sortie de la Manche et de voir comment les organismes étaient distribués en provenant donc de la Manche sur les côtes belges, hollandaises, danoises, allemandes, et même jusqu'à la Norvège. Or, l'expérience faite à cette époque-là a confirmé, avec d'excellents résultats, non seulement la direction d'ensemble, mais également la vitesse de ce flot que nous connaissions déjà parfaitement. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de recommencer 50 ans après cette expérience et de voir, avec des moyens qui sont plus précis, les données plus exactes, de voir quels vont être les résultats que nous pourrons analyser mathématiquement d'une façon bien plus correcte qu'à l'époque. Voilà, jeter des bouteilles à la mer pour étudier la direction, le sens et pour cartographier les courants marins. Une réaction peut-être, Sabrina Speich, à cette archive? Oui, donc je souris parce qu'il dit qu'il connaissait parfaitement les flots. Encore aujourd'hui, on les connaît très mal. Hein, et peut-être au courant de l'émission, on expliquera pourquoi. Parce que les flots n'est déjà pas très très linéaire, très simple. C'est les flots océaniques, c'est très très turbulent. Et donc aujourd'hui, on a déjà du mal à mesurer des échelles de 20 kilomètres. Il y en a encore beaucoup plus petites. Donc à l'époque, ils n'avaient même pas idée de ces échelles. Donc c'est assez impressionnant. Éric Gilliardi. Oui, c'est vrai qu'on a fait. On a une vision qui a beaucoup changé de l'océan depuis les années 50-60, où il y a déjà, en fait, l'océanographie a vraiment commencé au 19e siècle avec les premières observations, la campagne du Challenger dans l'Atlantique, hein, qui est restée célèbre, où on avait une vision, on avait ces cartes avec des grandes flèches, qui étaient ces grands courants. Et comme vient de le rappeler Sabrina, en fait, maintenant, depuis qu'on a des visions beaucoup plus haute fréquence en temps et en espace, on voit que l'océan, c'est un énorme champ de tourbillons. Alors qu'en moyenne longtemps, on arrive, on retrouve ces grands courants, mais jeter quelques bouteilles, elles vont d'abord tourner sur elles-mêmes avant de dessiner un courant. On parle de courants marins, il faudrait peut-être plus parler exactement de courant océanique? Est-ce que, quelle est la terminologie exacte pour parler de ces circulations d'immenses masses d'eau avec des puissances, des débits qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut imaginer dans de l'eau douce, Sabine Aspechoué? Donc, il y a des dénominations qui sont régionales et qui appellent donc des courants qui sont observés et qui sont en général à la surface de l'océan parce qu'ils sont plus faciles à observer. Et après, il y a des dénominations plus océanographiques quand on regarde un bassin entier, comme un océan Atlantique ou l'océan global. Donc, ce sont des courants océaniques, tous, mais après, il y a des dénominations géographiques liées à la région. C'est trois échelles, les courants de surface, les courants au sein d'une masse océanique et le courant à l'échelle globale, Éric Gilliardi? Alors, oui, si on se place à l'échelle toute petite, on va voir certains courants côtiers ou qui ont des noms, hein, comme on vient de le dire. Ensuite, il y a des courants qui vont être plutôt liés à des phénomènes physiques. Par exemple, le vent va entraîner des courants. Donc, on va parler de courants entraînés par le vent, qui sont essentiellement en surface. On va aussi avoir des courants en profondeur, qui vont être liés à d'autres mécanismes. Le vent peut jouer un rôle, mais on va avoir d'autres mécanismes, par exemple, de changement de densité. Quand on parle de la circulation thermohaline, hein, température, salinité, alin, là, on a des courants qui vont, comme dans l'atmosphère et des masses d'air de différentes densités qui entraînent des vents, dans l'océan, on va avoir des masses d'eau qui ont différentes densités qui vont entraîner entre elles des courants. Sabrina Spech, vous disiez qu'on ne connaît pas encore finalement aussi bien que ça l'ensemble de ces courants océaniques. Aujourd'hui néanmoins, entre l'observation et la modélisation, on arrive à avoir une carte relativement précise de ce qui se passe à la surface et en profondeur de ces océans du globe. Donc, on connaît un peu mieux la surface grâce à différents satellites. Et aujourd'hui, on commence à avoir quelques informations un peu plus en profondeur, jusqu'à 2000 mètres, surtout à 1000 mètres, grâce aux flotteurs Argo. Donc, ce sont des flotteurs, des petits robots qui en jettent à la mer. Ils ont un GPS, ils ont des capteurs, ils mesurent température, salinité, pression. Et tous les 10 jours, ils remontent à la surface pour donner les profils mesurés, mais ils naviguent à 1000 mètres de profondeur. Donc avec leur dérive, on arrive à reconstituer la circulation. Mais sinon, en plus en profondeur, on a juste les mesures à partir des capteurs qui sont des ADCP, donc Acoustic Doppler Current Profilers. Ah, donc à effet Doppler. Hein. À effet Doppler, donc signal acoustique effet Doppler, qui on mouille ou bien sur des mouillages fixes qui ne se déplacent pas, donc dans très peu de lieux au monde. Ou sinon sur des bateaux, mais qui eux aussi, ils passent 3 heures en un point et on a très peu de radiales observées par bateau. L'océan, il est opaque. Donc nous, nous ne connaissons pas très bien par l'observation l'océan et par la modélisation, on connaît des choses, mais c'est une approximation de la réalité. Donc ce n'est pas non plus parfait. Un mot sur la modélisation, peut-être Éric Gilliardi. Effectivement, on connaît, on en a parlé à plusieurs reprises dans cette émission, on est sur des milieux, des systèmes extrêmement complexes qui sont soumis à un nombre de facteurs exponentiels, donc qui sont effectivement, comme pour l'atmosphère, très compliqués à modéliser, qui obligent à des structures informatiques qui réduisent, en tout cas qui caricaturent entre guillemets un peu ces milieux-là pour pouvoir avoir des tendances, c'est à peu près ça? Alors effectivement, bon, déjà il y a à la fois des choses qu'on connaît depuis longtemps, les équations de la mécanique des fluides pour décrire un fluide en mouvement, que ce soit l'atmosphère ou le sang, sont connues depuis longtemps. Leur représentation sur des calculateurs, donc là on fait des modèles d'atmosphère ou d'océan, ça c'est une science qui est plus récente parce qu'il faut une grosse puissance de calcul. Donc ça c'est une science qui a vraiment démarré dans les années 50-60 avec les premiers supercalculateurs. Et ça demande de résoudre, comme vous le disiez à l'instant, sur l'ensemble du globe. On découpe une grille, on a des mailles en 3 dimensions, où dans chaque maille, on va représenter une température, une salinité et des courants. Et les équations expliquent comment on transfère cette information d'une maille à l'autre. Alors évidemment, plus on va avoir de détails, plus on a de mailles, plus ça fait de calcul, plus il faut un gros calculateur. Plus les mailles sont fines, voilà. Plus c'est complexe. Alors ça, c'est un premier défi de la modélisation. L'autre défi, c'est de savoir comment on représente les phénomènes de petite échelle. Comme on le disait à l'instant, l'océan, c'est un champ de tourbillon. Il faut représenter le mélange turbulent. Et ça, si on est riche, un gros ordinateur, on va avoir une maille aller de 10 km. Mais la turbulence, elle se passe encore à des échelles plus fines. Donc il faut représenter, paramétrer ces effets moyens. Et ça, souvent même, on n'a pas forcément toutes les données de l'océan réel. comment marche la diffusion dans l'océan réel. Ça, c'est aussi des campagnes en mer et des expériences de ces dernières dizaines d'années qui nous ont permis de mesurer ces coefficients pour pouvoir les mettre dans les modèles. Donc on a de nombreuses incertitudes par rapport à ces phénomènes, mais aussi de nombreuses incertitudes sur un élément qui est essentiel pour l'océan, c'est le forçage. Aujourd'hui, c'est-à-dire l'océan et l'atmosphère sont liés l'un à l'autre parce que c'est l'atmosphère qui force avec les vents, les courants des surfaces, qui enlève de la chaleur, qui enlève de l'eau douce parce que les sels restent en mer. Mais même il y a la glace des mers qui joue un rôle. Et tous ces deux composantes, on les force par des modèles qui ne sont pas la réalité, parce que là aussi, l'atmosphère, elle est pour 2/3 de la surface terrestre sous l'océan. Donc, on n'a pas autant de données de l'atmosphère non plus. Et ce qui m'amène à ce dernier point de ce petit propos introductif, c'est qu'effectivement, en termes de climatologie, on pense beaucoup, on pense souvent, quand on parle de l'étude du climat, à l'étude justement des courants atmosphériques, aériens, etc. Or, l'océan est peut-être le premier facteur d'influence du climat de la planète, Sabrina Speich. Oui, donc l'océan, c'est lui qui transforme l'essentiel de l'énergie solaire qui arrive sur Terre en ce qu'on appelle chaleur, donc une énergie qu'on ne voit pas, une énergie infrarouge qui est elle. Donne l'énergie à l'atmosphère. Elle donne aussi l'eau. C'est les grands récipients qui donnent l'eau qui ensuite précipite sur les continents. Et donc tous ces échanges se font grâce à l'océan et c'est l'océan qui règle déjà le climat tel qu'il est. Et en plus, il a un rôle fondamental dans les changements actuels. On va en reparler, Eric Gilliardier, oui, sur le lien essentiel, consubstantiel de l'océan avec le climat terrestre. En fait, le climat, la base du climat, c'est qu'on a un apport d'énergie supérieur dans les tropiques que dans les moyennes latitudes. Et ce sont nos deux enveloppes fluides, que sont l'atmosphère et l'océan, qui régulent cette différence. C'est-à-dire que l'océan et l'atmosphère vont transporter cet excès d'énergie dès les tropiques vers les plus hautes latitudes. Alors, ils le font très différemment, avec des constantes très différentes. Si vous voulez, dans le couple océan-atmosphère, qui est vraiment à la base des variations du climat, dont on reparlera tout à l'heure, l'océan, ça va être le partenaire lent, qui a une inertie phénoménale, alors que l'atmosphère, lui, c'est plutôt le partenaire nerveux. Voilà. Mais les deux fonctionnent ensemble et échangent, hein, comme le rappelait Sabrina à l'instant, échangent des quantités de moments, de chaleur, d'eau douce. Mais ils sont quand même très différents, même s'ils fonctionnent ensemble. Et on va voir que la notion d'inertie est très très importante quand on parle d'océanographie et de climatologie. Oui, Sabrina Speich. Oui, justement, je voulais répondre sur cela. Si on pense au Gulf Stream, que c'est un courant que tout le monde connaît, donc les atmosphériciens, aujourd'hui encore, ils pensent que c'est l'atmosphère qui transfère l'essentiel des chaleurs vers les régions polaires pour amoindrir cette différence énergétique. Mais en vérité, c'est l'océan qui, lentement, transfère de la chaleur tout au long de son parcours à l'atmosphère, parce que l'atmosphère n'a pas de mémoire. Elle prend cette énergie et la dissipe très rapidement. Et donc, c'est parce qu'on a un courant comme les Gulf Stream qui amène de l'énergie pendant des années. Hein. Il y a une dizaine d'années des temps entre les régions tropicales et les régions au large de l'Europe. Mm-hmm. Donc, et pendant tous ces temps, le Gulf Stream reste chaud et continue à donner de l'énergie à l'atmosphère. C'est impressionnant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h15 sur France Culture, nous parlons donc des courants océaniques, de leur fonctionnement et du lien qu'ils ont évidemment avec le climat ou du lien des échanges qu'il peut y avoir entre le dérèglement climatique en cours et la structure de ces courants océaniques. Nous en parlons avec Sabrina Speich et Eric Gilliardi. Peut-être pour commencer, raconter un peu, décrire Eric Gilliardi. À quoi ressemble, parce qu'ils ont une structure que l'on retrouve un peu parallèle entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, alors avec, pour ce qui est des courants, des grands courants, des cinq gyres de surface, tout ça est déterminé par les vents, par l'échange entre les vents et la surface des océans, par la force de Coriolis, c'est-à-dire par le mouvement de la Terre. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama de la façon dont ça se passe? Alors, effectivement, l'océan de surface, c'est d'abord entraîné par le vent. Donc, le vent sur la planète, on a d'abord des alizés dans les tropiques qui soufflent d'est en ouest, donc vers l'ouest. Et aux moyennes latitudes, c'est dans l'autre sens, c'est des vents d'ouest, c'est-à-dire qui soufflent d'ouest vers l'est. Hein. La force de Coriolis, quand on est dans un repère tournant, si on va par exemple d'est en ouest, on va avoir la force de Coriolis qui va nous dévier vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Donc si vous prenez par exemple l'Atlantique Nord, le sud vers l'équateur de l'Atlantique Nord, on va avoir des vents d'ouest, des vents d'est qui vont vers l'ouest et donc qui vont dévier vers la droite. Donc ça va commencer à donner le Gulf Stream qui vient de la côte. Et les vents d'ouest vont, aux moyennes latitudes, vont emmener ce Gulf Stream vers l'est et refermer. Donc ça, ça fait une boucle, une gire, comme on dit. Effectivement, les cinq gires, puisqu'il n'y a pas d'Atlantique Nord, hein, il y a Pacifique Nord, Pacifique Sud, Atlantique Nord, Atlantique Sud et l'Indien Sud, sont entraînés par les vents. Donc ça, c'est vraiment la première circulation. Il n'y a pas d'Indien d'Atlantique Nord, il n'y a pas d'Indien Nord. Il y a juste l'Atlantique Nord. Pardon. Il n'y a pas d'Indien Nord. Il y a bien l'Atlantique Nord. C'est juste que le Gulf Stream, c'est juste là, c'est au large de nos côtes. Donc il y en a 5 et pas 6 parce que il n'y a pas d'Indien Nord. Alors, donc ça, c'est pour les 5 gires. Maintenant, il y a une région du globe qui est très spéciale, où il n'y a pas de barrière nord-sud de continent. C'est l'océan Austral. On vous met, je le précise, on vient de vous mettre une image que vous puissiez visualiser sur le fil Twitter avec justement ces grands courants de surface, ces cinq grandes gires qui permettent de visualiser effectivement. Donc le courant austral. Alors lui. L'océan austral plutôt. L'océan, la différence de l'atmosphère, l'atmosphère n'a pas vraiment de barrière. Bon, il y a des montagnes, mais la circulation est très zonale, comment on va dire. C'est-à-dire que ça circule d'est en ouest autour de la Terre à peu près. Bon, par contre, dans l'océan, les continents sont une contrainte d'ordre premier. C'est vraiment très important. Sauf dans l'océan Austral où il n'y a pas de barrière nord-sud. Et là, les vents entraînent un courant, aussi le courant circumpolaire antarctique, qui connecte les trois océans. Donc c'est vraiment la façon dont cette circulation en forme d'anneau connecte les trois océans, puisque l'Arctique, lui, au contraire, est une mer entourée de terre, une espèce de Méditerranée en fait. Hein, et il y a très peu d'échanges entre l'Atlantique Nord et l'Arctique, où il y en a mais beaucoup plus lent, et encore moins entre l'océan Arctique et le Pacifique. Sabrina Speich, sur la structure de ces courants, effectivement, donc trois grands pôles, hein, Atlantique Nord, Atlantique Sud, Pacifique Nord, Pacifique Sud et Océan Indien, reliés par un courant circumpolaire. Et donc, dans tout ça, voilà, comment se passent les échanges, comment circulent ces courants-là, quels sont les éléments dont on dispose de connaissances aujourd'hui à propos des courants de surface. On parlera de la circulation thermohaleine tout à l'heure. On a des modèles qui sont des modèles globaux et donc c'est facile d'intégrer pendant longtemps ces modèles et avoir une statistique de ces courants et à différentes échelles, donc avec ou sans tourbillon, on commence à avoir des tourbillons. Et au niveau des observations, donc il y a entre les années 90 et 2000 un projet international qui s'est développé pour chercher d'avoir des mesures un peu homogènes dans tout l'océan, donc des sections, c'est un peu saucissonné. Et là, l'activité internationale a commencé à se coordonner. Et depuis cette époque-là, on a déjà eu une image, une fois, de tout l'océan global, donc y compris l'océan Austral, parce que l'hémisphère sud, il était très, très peu échantillonné, et ça, jusqu'à les années 2000. Donc on a eu une fois des sections. Et ensuite, à partir de ces grands projets qui s'appelaient WOAS, donc World Ocean Circulation Experiment, on a commencé à mettre à la mer des flotteurs, les flotteurs Argo. Et cette coordination, elle est vraiment faite de manière très ouverte. Les données sont téléchargeables tout de suite à partir des bases de données globales, dont une est en France. Et on travaille tous ensemble pour chercher d'une part de calibrer et valider ces données, parce qu'il faut que les données soient vraiment utilisables scientifiquement. Donc les capteurs dérivent, la position des fois n'est pas très précise, il y a des erreurs. Et aujourd'hui, donc à partir de ces radiales qu'on continue à chercher des répétés, mais ça coûte beaucoup d'argent. Il faut savoir qu'un jour des bateaux coûte 30 à 35 000 euros par jour. Et donc pour aller par exemple du Cap jusqu'à l'Antarctique, on met environ un mois. Donc ça coûte très cher. Et donc les flotteurs, aujourd'hui ils vont jusqu'à 2000 mètres. On cherche de les développer d'une part pour qu'ils mesurent autre chose que juste la physique, donc température, salinité, mais aussi chlorophylle, oxygène, etc. Et on cherche aussi de les faire aller plus profond, mais sont des défis technologiques très importants parce que la mesure, il faut qu'elle reste précise et que l'outil ne dépense pas trop d'énergie pour durer un certain nombre d'années. Et donc, on cherche de développer pour avoir plus de connaissances, mais les connaissances restent encore assez faibles. Et peut-être l'océan qui est le mieux mesuré, historiquement, c'était l'Atlantique Nord. Ça continue à l'être, mais même si on progresse aussi dans les restes du globe. Quelles sont les forces à l'œuvre sur ces courants? Est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils sont structurés de la même façon? Vous avez dit que effectivement, donc il y a l'influence des vents, de la force de Coriolis, mais il y a également évidemment la confrontation avec les masses continentales. Ce sont plutôt des eaux de surface qui vont aller en profondeur. Ce sont des eaux qui restent en surface. Est-ce qu'on connaît un peu la structure des mouvements de ces courants de dérive qui sont l'autre nom des courants de surface, Eric Gliardi? Alors, on les connaît bien depuis les travaux en fait de Ekman, hein, un chercheur donc en 1905 qui a établi la théorie d'Ekman, qui est vraiment la base de la description de l'impact du vent sur l'océan. Voilà la spirale descendante, la fameuse spirale d'Ekman. Hein, donc on va avoir cette déviation avec un certain angle en surface qui elle-même va donner une déviation à la couche d'en dessous, etc. C'est pour ça que le transport intégré sur ce qu'on appelle la couche d'Ekman, qui va faire jusqu'à 100-200 mètres de profondeur suivant les endroits, parfois un peu plus, parfois un peu moins, va être perpendiculaire à la direction du vent. Hein, donc on a ce transport d'Ekman. Donc si vous avez une gyre avec des courants et des vents qui tournent, dans l'hémisphère nord, cette gyre, elle va tourner dans le sens donc des aiguilles d'une montre. Donc vous allez construire, en fait, vous allez augmenter, vous allez amener de l'eau à l'intérieur de cette gyre, vous allez faire monter le niveau de la mer. Et inversement, d'autres endroits, au contraire, on va avoir l'eau qui va, par exemple, s'écarter d'une côte, le niveau de la mer, là, va baisser. Alors, quand on passe de baisser, c'est quelques centimètres, hein, 10 centimètres, 5 centimètres, c'est pas beaucoup. Mais on arrive à le mesurer maintenant. Et donc, ça aussi, c'est une des révolutions de l'océanographie, c'est l'observation par satellite, où en fait, depuis le début des années 90, on a des altimètres sur des satellites qui, tenez-vous bien, mesurent la hauteur de la mer au centimètre près. C'est-à-dire qu'on a une vision global de l'océan pendant 10 jours et avec les creux des bosses. Et avec ces creux des bosses, c'est ce que je viens de vous décrire, on peut reconstruire les courants de surface qui se promènent entre ces creux et ces bosses. Ces courants de surface, oui, Sabrina Spey, c'est effectivement, ils sont bien connus. On va vous mettre un diagramme de la spirale d'Ekman qui explique justement ce phénomène que vient d'expliquer Eric Gliardi. Oui, je voulais ajouter que cet effet donc d'Ekman, c'est quelque chose de très important aussi pour les écosystèmes marins et notamment la pêche, parce que il y a 4 régions au monde, par exemple, où les alizés sont plutôt alignés les long de la côte et souffle de manière que la force de Coriolis éloigne l'eau vers les larges. Et donc, c'est un fluide, on ne trouve pas des trous, il faut que de l'eau vienne des sous-surfaces. Et cette eau, elle est un peu plus froide, donc on la voit sur les images satellites, mais surtout, elle amène des éléments nutritifs, des engrais qui permettent à la chaîne alimentaire, trophique, de se développer et à continuer à avoir des écosystèmes riches sur toute la chaîne trophique et donc des pêches assez abondantes. Donc ces systèmes, parce que ça fait remonter les nutriments des sols marins, donc des fonds marins, et ça fait remonter pas complètement des fonds, mais des sous-surfaces, parce que la biologie reste là où il y a les phytoplancton, au moins reste là où il y a de la lumière. Donc en dessous des couches où il y a de la lumière, où on peut pas avoir des phytoplancton, et donc ça génère les phytoplancton et ça génère les zooplancton, etc. C'est pour ça d'ailleurs que les 4 zones de pêche les zones de pêche miraculeuses ce sont le long de ces remontées d'eau froide, de ces eaux poilines dont parlait Sabrina à l'instant, qui sont au large du Pérou, Chili, de la Californie, du Benguela et l'Afrique du Sud. Et de l'Afrique du Sud. Ouais. Voilà. Non, Benguela, c'est Afrique du Sud. Benguela du Sud et Dakar, c'est Portugal, Afrique du Nord. Voilà. Donc les côtes est de l'Atlantique. Et après, il peut y avoir aussi les courants, là où les courants sont très intenses, comme les Gulf Stream ou des analogues ailleurs qui font une espèce de cisaillement. Et cet cisaillement crée aussi mécaniquement des upwelling. Donc en général, après. Upwelling, c'est la remontée d'eau froide. Riche. Et riche. Voilà. Donc ça, ce sont pour les courants de surface. Un mot maintenant sur ce qu'on appelle donc. Voilà, on vient de vous mettre justement les schémas upwelling et downwelling, puisqu'il y a un phénomène inverse qui fait passer les eaux chaudes de surface vers le fond. Voilà. Et donc qui sont les principaux mécanismes de ces courants de dérive qui sont les courants de surface. Tout à fait. Voilà. On va parler des autres, de cet autre courant, de ce qu'on appelle, de ce tapis roulant océanique, qu'on appelle la circulation thermohaline. Sabrina Spech, c'est un autre courant qu'on connaît tout de même relativement bien. On en connaît plutôt bien les mécanismes. Alors, c'est une étude plus complexe, mais on sait aujourd'hui à peu près comment ça tourne, ce courant thermohalin. Alors, on sait plus ou moins. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas complètement séparé parce que ces courants, à la fin, ils se mélangent aussi avec la en surface avec la circulation du haut vent. Mais historiquement, il a été étudié de façon séparée, au moins pour comprendre comment il est mis en route. Et la façon dont il est mis en route, ces courants, c'est la perte des flottabilités. Donc, l'eau devient plus dense dans des régions polaires où la différence entre la surface et en profondeur des masses volumiques, des densités n'est pas très forte. Donc, dans ces régions polaires où la météorologie est extrême, donc il y a des forts vents, donc il y a des pertes des chaleurs, formation des glaces des mers et perte d'eau douce et donc du sel qui a plus de sel, ça signifie plus dense. C'est parce que pour en dire un mot, la glace de mer se forme par précipitation du sel. Hein. C'est-à-dire que la glace de mer, elle perd en sel alors que le sel tombe dans les profondeurs. Oui, voilà. C'est comme l'évaporation, c'est l'eau douce qui évapore et les sels restent. Et donc, quand on a plus de sel et l'eau est plus froide, l'eau devient plus dense, donc elle plonge en profondeur en créant ces eaux qui sont les eaux abyssales. Ça a lieu en Arctique et autour de l'Antarctique. Et ces eaux sont les deux, dans les deux hémisphères, elles ont une densité un peu différente. Donc, commence à vouloir se rencontrer, donc c'est la force des gradients des densités et donc ils s'écoulent, mais ils doivent s'écouler selon dans un système qui tourne. Donc il y a un effet de la rotation terrestre. Donc par exemple, les courants qui se forment en Arctique et s'écoulent par des seuils, donc il faut qu'ils se mélangent un peu avec l'eau environnante parce que c'est comme une cascade. Donc les seuils plus profonds, il fait 700 mètres. Donc l'eau qui est très dense sortant de l'Arctique par les passages nordiques, il tombe comme une cascade, il se mélange avec un peu l'eau environnante. Après, il y a encore une convection qui peut avoir lieu en mer des Labradors. Mmh. Ensuite, s'écoule vers le sud, le long du continent américain. Et donc, ce sont les deux puits de l'hémisphère nord. Il y a trois puits de ce courant thermohalin, les deux que vous venez de décrire, et un dans la mer de... Non, il y en a plusieurs autour de l'Antarctique. D'accord. Il y a la mer des Weddell, voilà, il y a la mer des Ross. Et après, on pense qu'il y a autour, parce qu'il est vraiment pas observé, et les modèles, ils ont un peu du mal à voir à ces échelles et ces processus de convection. Donc, il y a probablement autour de l'Antarctique, là où il y a des trous dans la glace des mers, donc l'océan est en continuel contact avec l'atmosphère, des formations d'eau des fonds. Mais on sait à peu près combien on informe par d'autres traceurs mesure au fond de la mer. Eric Guilliardi, sur cette circulation thermohaline, sur ce, on appelle ça un tapis roulant, hein, parce que c'est un fonctionnement beaucoup plus lent. On dit qu'il faut, alors j'ai lu, je parle sous votre contrôle, qu'il faut entre 1500 et 1600 ans pour une molécule d'eau putative pour faire le tour de cette circulation, de ce tapis roulant océanique qui monte, qui remonte en surface et puis qui replonge, comme vient d'expliquer Sabine Spech, quand justement elle s'appauvrit en densité. Alors effectivement, donc ces différences de densité entre deux régions de l'océan génèrent des courants, mais qui sont très lents. C'est des courants qui avancent à 1 cm par seconde. Donc vous imaginez, faire le tour de la planète à 1 cm par seconde, on arrive à ces échelles de temps dont vous parliez à l'instant, hein, de plusieurs milliers d'années, voire même il y a des régions de l'océan qui restent loin de l'atmosphère, au-delà. Hein. C'est encore un domaine de recherche pour nous, puisque l'océan profond connaît très mal, pour les raisons qu'on a indiquées. Du coup, on a du mal à le représenter dans nos modèles, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et l'année dernière, par exemple, un chercheur de notre institut a proposé un nouveau paradigme du fonctionnement de l'océan profond, qui est en train de révolutionner la vision qu'on a. Et donc, qui consiste en quoi ? Qui consistait en dire que le mélange, en fait, est lié, ce mélange turbulent, hein, puisque ces masses d'eau qui ont des caractéristiques différentes, qui se rencontrent de température salinité, hein, créées dans le nord, dans le sud, elles se rencontrent au fond. Là, comment est-ce qu'elles se mélangent ? Il y a plusieurs hypothèses. Soit elles se mélangent le long d'une topographie accidentée, soit sur le bord du relief, soit juste par mélange turbulent. Enfin, il y avait plusieurs hypothèses. Et en fait, son étude a montré que ce mélange se faisait en fonction de la surface à une profondeur donnée. Ce qui était totalement, en fait, ce qui donne une contrainte extrêmement forte de la bathymétrie sur le mélange qu'on n'avait pas imaginé jusqu'à présent. Donc on fait encore des découvertes aujourd'hui sur le fonctionnement de cet océan profond qu'on connaît très mal. Et on le connaît d'autant plus mal que il semble, hein, ce que montrent les quelques observations qu'on a et les modèles, c'est que ces échanges se font dans un endroit très localisé. C'est-à-dire pour l'essentiel de l'océan intérieur, il se passe pas grand-chose. Et le long des dorsales, ou le long des talus continentaux, ou des endroits où le fond est très accidenté, là, tout se passe là. Donc il faut être là pour le voir et l'observer. Et alors du coup, sur cette circulation thermohaline, cette circulation profonde, elle a un rôle, donc bon, aussi un rôle pour les écosystèmes, un rôle de brassage au très long cours. Est-ce qu'elle a un rôle que l'on détermine aujourd'hui, que l'on peut définir vis-à-vis du climat? Il a un rôle absolument essentiel. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, on s'est demandé comment est-ce que quand on part voir les climats du passé, hein, sur, disons, le dernier million d'années, dans les carottes de glace en Antarctique, on voit des variations de dioxyde de carbone dans l'air et des variations de température. Et en fait, pour comprendre le lien entre les deux, et parfois des déphasages entre les deux, on ne peut l'expliquer que par ce phénomène de réservoir de l'océan profond qui va pouvoir garder de la chaleur ou du carbone loin de l'atmosphère pendant des milliers d'années. Donc ce rôle de l'océan profond est fondamental sur le fonctionnement, par exemple le passage d'une ère glaciaire interglaciaire, le fait que ça se passe plus ou moins vite ou avec plus ou moins d'accidents, le rôle de l'océan est fondamental. Donc l'océan, c'est certes le gardien des équilibres un peu climatiques, hein. On sait bien qu'un climat près de l'océan, il va être plus doux, il va moins varier entre l'été et l'hiver, donc il y a une inertie, mais c'est aussi un acteur des variations lentes du climat. C'est donc là, une double inertie à court terme, une inertie à très long terme. Donc, alors, à l'ère géologique. Voilà. Presque. Alors, on parlait de l'ère géologique. Non, là, ça fait quand même un peu trop loin. Mais non. Par exemple, par contre, l'ère de passer d'une scie glaciaire à interglaciaire, là, il va jouer un rôle important de réservoir, mais aussi à des échelles de temps plus proches de nous, qui va être la saison, on en parle à l'instant, mais aussi la décennie et le siècle ou la des dizaines d'années et donc le changement climatique en cours. Ça va, Naspech? Pendant longtemps, et d'ailleurs c'est pour cela que beaucoup des recherches sont concentrées en Atlantique Nord, et on a parlé du Gulf Stream, qui s'arrête ou il s'arrête pas. Bon, déjà le Gulf Stream ne s'arrêtera jamais parce qu'il est forcé par les vents, mais la dérive nord-atlantique, qui est la branche du Gulf Stream qui part vers l'Arctique, elle pourrait être moins importante. Et donc on a toujours eu peur qu'un arrêt de cette branche puisse nous faire passer en ère glaciaire. Cela dit, mis à part qu'on n'en voit pas encore les débuts vraiment, dans les données, on voit pas une diminution de cet courant. Mais en plus, ça serait bien parce que ça rafraîchirait un peu l'Arctique en ces moments, qui est un peu chaud. Oui, ça c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Oui, Eric Liardier. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion dans l'esprit du public sur cette histoire de Gulf Stream qui va s'arrêter. On va reparler un peu justement. Bon, ça alors, et des bien, études autour de voilà bon, on va redire un mot justement des modifications du climat et du lien justement avec les courants de dérive et les courants profonds. On va reparler dans un instant juste après ça. Une barque sur l'océan de Maurice Ravel par l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire à 16h35 sur France Culture, puisque c'est d'océan dont il est question tout au long de cette heure. Nous parlons de circulation océanique en compagnie de Sabrina Speich, qui est océanographe, physicienne au laboratoire de l'Institut au laboratoire de météorologie dynamique et à l'Institut Pierre-Simon Laplace, avec Eric Gilliardi, qui est océanographe, climatologue et directeur de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat, expérimentation et approche numérique. Alors, nous avons parlé des différents types de circulation océanique, les courants de surface, la circulation profonde. On va parler maintenant de la façon dont on peut mesurer ces climats. On l'a dit, il y a des climats que l'on commence à mesurer grâce à de nouveaux types d'outils, de nouveaux types d'instrumentation. Et parmi ces outils qui sont à la disposition des océanographes, il y a des petits gliders. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour à tous. Des sortes de drones maritimes auxquels vous êtes allé vous intéresser. Oui, c'est Pierre Testor qui est océanographe physicien au laboratoire L'Océan à Sorbonne Université qui m'a présenté ces gliders. Un glider, vous le disiez, ça ressemble à un drone ou en tout cas la traduction c'est un planeur qui navigue sous l'eau pour prendre des mesures, notamment sur les courants marin. Alors, si on laisse de côté El Niño ou bien le Gulf Stream, la Méditerranée aussi a ses forçages physiques propres et ses courants marins qui, eux aussi, réagissent au changement climatique. Pierre Testor nous parle de ses travaux d'analyse des phénomènes méditerranéens grâce, entre autres, aux gliders et des projections que ces données recueillies sur des plages de temps long nous permettent de faire. Donc ben voilà, c'est typiquement les gliders dont vous avez entendu parler. Donc ça vous donne un peu la taille de la plateforme. Donc ça, c'est un petit sous-marin jaune qui fait à peu près 2 mètres de long, 20 cm de diamètre. Il n'a pas d'hélice, vous pouvez remarquer. Donc en fait, c'est un système de ballast qui lui permet de monter, descendre entre la surface et puis typiquement 1000 mètres de fond. Et avec les ailes, il va transférer ce mouvement vertical au mouvement horizontal, avec le petit gouvernail aussi. Un glider, on le rappelle, si on traduit, c'est un planeur. Voilà, c'est un planeur sous-marin, voilà, c'est d'accord. Ça. Comment un glider est mis à l'eau? Quelle est sa trajectoire? Et puis finalement, comment il est guidé? Comment il évolue dans l'eau? Alors, on le met à l'eau de manière très simple. Souvent, on a besoin juste d'un zodiac, un petite embarcation. On le met à l'eau en milieu côtier. Après, il va être dirigé par satellite à chaque fois qu'il va en surface. Il peut se connecter au système de téléphone Iridium avec lequel, donc, ce lien bidirectionnel, on arrive à avoir les données en temps réel, quasi réel, à chaque fois qu'il revient en surface, et à lui envoyer de nouvelles commandes de cap, d'instructions de plongée, etc. Quel type de données il transmet, justement, vers la surface? Les courants océaniques, les variables physiques, telles que la température, la salinité, mais aussi des capteurs, ils sont équipés de capteurs biogéochimiques, comme la concentration d'oxygène, le pH, les nutriments, et encore biologiques, c'est-à-dire la concentration en chlorophylle, des estimations de zooplancton, voire de prédateurs plus supérieurs. Mais bon, ce sont des instruments petits, qui vont pas très vite, et on peut pas mettre tous les capteurs en même temps dessus, pour l'instant encore, mais en général, ils ont quand même ce qu'on appelle un caractère biogéochimique, c'est-à-dire qu'ils sont capables de nous renseigner sur des variables qu'on appelle un peu essentielles. Et pourquoi ces instruments sont particulièrement précieux, justement, pour saisir un petit peu le fonctionnement des courants marins? Alors, parce qu'ils sont capables de faire des mesures à haute résolution, sur le long terme. C'est des instruments à basse consommation d'énergie, donc aujourd'hui, un déploiement de ce type d'engin dure à peu près 4 mois, c'est routine, ça peut aller jusqu'à 1 an. Et donc tout le long, il va nous envoyer des informations à haute résolution sur les variations dans l'océan. Alors là, pour le coup, moi j'aimerais savoir un petit peu, quand un glider, un planeur sous-marin comme ça est mis à l'eau, comment il va être sensible au courant marin? Quel est le type de données qu'il va envoyer? Alors, il peut être équipé de capteurs de courant. On mesure le courant par acoustique, en fait, un effet Doppler. Mais sinon, le glider, lui, en surface, il est positionné par GPS. Quand il va plonger, par exemple, il va avoir sa dernière position en surface et il va naviguer à l'estime. Et donc, quand il va refaire surface, il aura une position estimée qui va comparer à sa nouvelle position GPS. Et ça va donner, en fait, ça dérive pendant la plongée. C'est une information très importante sur les courants. Typiquement, un glider fait des cartes verticales, on va dire. le long de sa trajectoire, donc typiquement entre 0 et 1000 mètres, là, vous pouvez voir. Donc là, le glider est parti de la côte et puis il va vers le large. Et il arrive à cartographier la température sur ce qu'on appelle une section verticale. Mais donc ça, c'est sur la verticale le long d'une trajectoire. Après, quand on combine plusieurs gliders en même temps, donc là, c'était dans le cadre d'un programme national sur des recherches sur la Méditerranée, le programme Mistral. On a fait une expérience en Méditerranée nord-occidentale, qui est le lieu du bloom printanier le plus important en Méditerranée. Et donc, ce qu'on appelle un bloom printanier. Bloom, c'est une efflorescence phytoplanctonique qui se voit par satellite avec la couleur de l'eau. Et donc, on a voulu comprendre quel était le rôle des forçages physiques sur ce bloom printanier. Et pendant environ un an, on a déployé un nombre très important de plateformes de mesure, et plusieurs campagnes, plein de gliders, des flotteurs profileurs. Donc typiquement, quand on arrive à avoir plusieurs points de mesure en même temps, ou sur une fenêtre temporelle réduite, on arrive à faire des cartographies horizontales de ce qui se passe sous la surface, ce qui est inaccessible aux satellites. Et donc typiquement, si on a suffisamment de points, avec des techniques d'interpolation optimales, on arrive à retracer les variations du milieu. Alors l'enjeu, c'est qu'il faut avoir suffisamment de points pour avoir une description statistique correcte de ce qui se passe. Et c'est là où les gliders, en multipliant le nombre de plateformes capables de faire des mesures en profondeur, on arrive à avoir suffisamment de points et à retracer ce qui se passe effectivement sous la surface. Comme vous pouvez voir ici, là, à une échelle saisonnière. En février, il se passe quelque chose de très important en Méditerranée nord-occidentale, c'est-à-dire que le Mistral, la Tramontane, ce sont des vents froids, secs, forts, et donc ça évapore l'eau de surface, ça la refroidit, et elle devient plus dense, elle se mélange avec celle située en dessous, et ça peut aller jusqu'au fond, hein, 2500 mètres de fond, ce qu'on appelle la convection profonde. Et juste après cet événement-là, on a le bloom qui se développe. Globalement, c'est parce que ce mélange vertical permet de remonter à la surface des nutriments, à la lumière, le développement du phytoplancton. Et puis après, le phytoplancton n'a plus de nutriments et on revient à la situation normale. Et ça, c'est quelque chose qui, avec le réchauffement climatique et la modification des courants, est amené justement à modifier ces phénomènes-là. Ah oui, il y a des projections climatiques où ce phénomène-là s'arrêterait purement et simplement. Et donc c'est toute la ventilation des eaux profondes qui serait arrêtée, avec une situation qui pourrait être bloquée dans une situation où les eaux de surface seraient trop légères pour pouvoir se mélanger avec celles qui sont en dessous. Et quelles conséquences sur les écosystèmes marins de cette région de la Méditerranée ça pourrait avoir ? Très grave, plus d'oxygène. Imaginez bien que tout l'écosystème marin profond en sera clairement impacté. C'est-à-dire qu'à terme, il n'y aura quasiment plus d'oxygène concentré dans les eaux profondes. Et donc, une vie qui sera certainement limitée à des bactéries, et c'est tout. Là, on parle de projection à quel horizon temporel ? 2100. Voilà, et donc c'est tout ce cycle-là qu'il faut arriver à décrire finement, à la fois temporellement et spatialement. « 2100, un océan sans poissons, sans vie, avec que des bactéries », c'est votre collègue qui dit ça, c'est un peu une vision pessimiste, Eric Gilliardi ? C'est clairement une vision où j'espère bien qu'on ne va pas y arriver. Ça fait partie des théories qui commencent à émerger. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des projections il y a même des projections qui disent 2050 océan sans poisson. Enfin, ça va très vite. C'est la présence de la vie dans l'océan est quelque chose d'abord qu'on connaît pas tout. Donc, on découvre encore beaucoup de choses. Ensuite, qui n'est pas son évolution n'est pas due à un facteur unique. Aujourd'hui, dans l'évolution des populations de poissons, on ne sait pas ce qui est lié à des variations naturelles encore, même si on commence à pouvoir les décrire. Alors, si on manque d'observation, on ne sait pas ce qui est lié à la surpêche, et on a beaucoup de mal à savoir ce qui est le réchauffement climatique. On a des mécanismes pour chaque, mais pour faire la part des choses, on manque terriblement de recul. Alors, dans l'Atlantique, peut-être plus que dans certaines régions, mais dans l'océan austral, où on a très peu de données, où il y a des grosses réserves de poissons, aujourd'hui, c'est vraiment à l'état de recherche. Donc on ne peut pas dire, c'est vraiment, c'est des scénarios qu'il faut considérer. Maintenant, savoir si leur probabilité d'occurrence, aujourd'hui, on ne sait pas, mettre un chiffre dessus. C'est bon aspect. Cela dit, l'océan se réchauffe, c'est lui qui se réchauffe à cause du changement climatique. Donc, il a capturé 93% du surplus d'énergie. Donc, ce qu'on voit comme une anomalie dans la température de l'air, c'est rien par rapport à l'énergie capturée par l'océan. Et cet réchauffement, on commence à les voir, notamment dans certaines régions où il y a aussi des événements extrêmes dans l'océan, donc des heat waves, donc des vagues de chaleur. Des vagues de chaleur dans l'océan. Et les régions qui sont dans les tropiques, là où on trouve les coraux, sont quand même un peu à risque très fort pour, à cause du réchauffement, à cause aussi de l'acidification. Probablement. Et donc là, ça commence à être compliqué parce qu'il y a beaucoup des populations qui vivent sur ces écosystèmes juste pour s'alimenter. Alors à ce propos, j'évoquais en introduction de cette émission un certain nombre d'études, puisque le thème de l'émission, ce n'est pas tant l'influence du réchauffement climatique sur les océans ou sur la vie océanique. On en a déjà parlé dans un certain nombre d'émissions et assez récemment d'ailleurs quand on parlait la semaine dernière de la capture de CO2 par la masse océanique terrestre. Mais en l'occurrence, c'est l'influence du réchauffement climatique sur ces courants océaniques. Et deux études qui ont été publiées au mois d'avril dernier dans la revue Nature qui estiment que la circulation méridienne de retournement de l'Atlantique, qu'on appelle l'AMOC, aurait perdu 15% de sa force et serait à son plus bas historique depuis 1600 ans, Eric Gilliardi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut penser de cette étude? En fait, la MOC, qu'est-ce que c'est? C'est un nom un peu compliqué pour ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que la branche de surface, c'est le Gulf Stream et la dérive nord-atlantique. Donc on transporte des eaux chaudes jusque dans les océans froids que sont la mer du Groenland, la mer du Labrador, le sud de l'Islande aussi. Et en profondeur, c'est la branche de retour en profondeur. Voilà. Donc cette boucle, cette cellule de retournement, c'est ça qu'on appelle donc la MOC. Alors il y a des exemples dans les climats glaciaires, où il y a plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace sur le nord du Canada, sur le nord de la Grande-Bretagne, où par des relargages importants d'icebergs, on met beaucoup d'eau douce en surface et cette dérive nord-atlantique s'arrête en quelques dizaines d'années, et on a un refroidissement très fort du climat, jusqu'à 10 degrés de moins, en Europe, puisque la douceur de l'Europe vient du fait qu'on cette chaleur de l'océan qui part de l'atmosphère arrive chez nous par les vents d'ouest. Ça, c'est un modèle ? Alors ça, c'est des observations. Des modèles commencent à pouvoir reproduire ça, on ne connaît pas encore tous les mécanismes. Par contre, en climat interglaciaire, ce qui est notre cas aujourd'hui, c'était le cas il y a... Vous parlez de l'interruption de ce courant, de cet AMOC, c'est dans le passé, c'est-à-dire que ça a été observé dans les carottes glaciaires où ce courant s'est interrompu. C'est pas dans les carottes glaciaires, c'est dans les carottes plutôt au fond de l'océan qu'on va faire, où effectivement il y a eu un arrêt de cette circulation qui est venue en quelques dizaines d'années, on appelle une catastrophe thermohaline. C'était dans des climats glaciaires et les mécanismes qu'on a aujourd'hui pour l'expliquer un changement si rapide, c'est des grosses débâcles d'icebergs et de glace continentale. Dans un climat chaud, il n'y a pas d'exemple dans le passé, ce qui est aujourd'hui notre cas, interglaciaire. Donc aujourd'hui, la seule cause de réduction et non pas de catastrophe, c'est très différent. C'est-à-dire il n'y a pas d'arrêt, sans parler d'arrêt brutal, de réduction, c'est le fait que par un réchauffement climatique, il y a plus d'humidité dans l'atmosphère, donc il pleut plus, donc on met plus d'eau douce dans l'Atlantique Nord et on ralentit un peu cette circulation. On parle de la dérive nord-atlantique. Donc ce que nous disent nos modèles, c'est que si ça se réduit à l'horizon 2100, ça peut refroidir l'Europe de quelques dixièmes de degrés. Par rapport à un réchauffement attendu, si on ne fait rien, encore une fois, là c'est des scénarios, si on ne fait rien de plusieurs degrés, c'est totalement aujourd'hui négligeable, dans l'état actuel de nos connaissances. Maintenant, si le Groenland se met à fondre beaucoup plus vite que ce qu'on en comprend aujourd'hui, là, on peut être amené à réviser ça. Mais aujourd'hui, dans l'état des connaissances, on ne s'attend pas, ou alors c'est plutôt ce qu'on appelle les événements à très faible probabilité, très fort impact, mais très faible probabilité. C'est bon aspect. Sur cette réduction, sur ces études autour de la réduction de 15%. Toutes ces études, y compris celles passées, sont faites par des proxys, donc on cherche des dérivés des températures, des courants par rapport à des choses parce qu'on mesurait pas à l'époque glaciaire les courants. Et donc aujourd'hui, on a 10 années vraiment des séries temporelles de ces courants. Et on s'est rendu compte que ces courants varient sur des fréquences très hautes et très différentes, donc des fréquences intrasaisonnières. Donc dans une saison, d'une semaine à l'autre, on peut avoir des variations très très fortes, et aussi des variations à l'échelle décennale. Donc on ne sait pas aujourd'hui, à partir des mesures, si effectivement ces courants commencent à diminuer, donc cette dérive nord-atlantique, ce système de circulation thermaline, ou pas. On est dans les mesures directes, on a encore aucun élément pour prouver cela. Alors, oui. Et alors, donc le dernier élément de l'enquête scientifique, c'est les modèles. Et aujourd'hui, les modèles, on en parle à l'instant, ont encore trop d'incertitudes pour savoir si ces observations, cette diminution moyenne qu'on obtient, est-ce que son ampleur est correcte ? Puisque les mécanismes de base de fonctionnement de l'océan ne sont pas encore suffisamment contraints par les observations pour savoir si les modèles sont fiables pour faire des prévisions à ces échelles de temps-là. Je voulais juste dire que donc aujourd'hui, on est face à un milieu qu'on connaît encore très très mal. Et donc, aujourd'hui, je lance un appel à notre ministère de la Recherche pour qu'il se saisisse de la question. Donc, la France, d'ailleurs, les chercheurs français sont vraiment en position internationale très très forte dans l'observation de l'océan. Et c'est assez naturel parce que la France possède une ligne des côtes très importante, des zones continentales en mer très importantes. Mais on manque un peu de moyens. Et aujourd'hui, pour aller vers la datation du changement climatique, il faut étudier l'océan, parce que l'océan, il est important, on l'a dit aussi, pour ce qui concerne les échanges océan-atmosphère. Donc, pour avoir même une meilleure prévision du temps et des événements extrêmes, il faut coupler les deux milieux. Et pour les coupler, il faut avoir des observations, parce qu'il faut faire de l'assimilation pour chercher des pas à prévoir ce qui n'arrivera pas. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire des observations directes, des non-connaissances, c'est qu'on a beaucoup progressé, mais qu'il reste beaucoup encore à faire. Là, je vous parlais de ces études publiées au mois d'avril dans Nature. Il y a une autre étude qui est issue du laboratoire de scénographie physique et spatiale qui a été publiée dans Nature Climate Change, je crois, au mois d'octobre dernier, qui parle là du changement climatique qui affecterait les courants marins profonds en Atlantique Nord, qui fait des corrélations entre le niveau de concentration en CO2 océanique et le ralentissement global des courants, notamment, en l'occurrence, de la circulation thermohaline et de la plongée en mer du Labrador. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut imaginer que ces courants très longs, à l'échelle de dizaines, de centaines, voire de milliers d'années, puissent être impactés, influencés par les réchauffements de l'atmosphère de surface, donc avec pourtant un grand différentiel entre l'atmosphère et ses courants profonds et Guillardy. Alors, théoriquement, évidemment, si on change les échanges de son atmosphère et le réchauffement climatique, on peut s'attendre à ce qu'un jour, ces courants profonds changent. Aujourd'hui, comme on le disait à l'instant, on manque terriblement de recul pour pouvoir détecter et attribuer ces changements. On peut observer des changements, mais les attribuer à une cause précise qui serait le changement climatique, ça reste extrêmement difficile puisqu'on manque de recul. Les modèles ne peuvent pas tellement nous aider. On avance dans notre compréhension. Voilà, alors corrélation n'est pas causalité, hein, ça il faut s'en méfier. Il y a des choses qu'on commence à pouvoir dire dans les océans tropicaux ou d'autres endroits, par exemple sur El Niño. C'est-à-dire ? Donc El Niño, c'est à l'origine, on parle de courant marin. En fait, El Niño est un courant marin qui était connu des pêcheurs péruviens depuis des siècles, puisque c'est un courant qui arrive au moment de Noël, d'où le nom El Niño, hein, l'enfant Jésus. Et certaines années, ce courant restait toute l'année, il n'y avait pas ces fameuses remontées d'eau froide dont on parlait tout à l'heure, donc plus de pêche. Donc en allant des registres de pêche péruviens, on voit toutes les années où il y a eu ce courant à rester. En fait, maintenant, on sait que c'est une anomalie à l'échelle du Pacifique tropical, hein, qui fait que la circulation océanique atmosphérique est modifié. C'est une anomalie de la circulation qui a lieu tous les 3-7 ans. Donc c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps, hein, depuis qu'il y a cette géométrie du Pacifique, donc ça fait quelques millions d'années au moins. Et aujourd'hui, les études qu'on a avec des modèles nous permettent de suggérer que les événements El Niño extrêmes, ceux qui sont vraiment forts, arriveraient plus souvent avec le changement climatique. Alors savoir est-ce que ça a déjà commencé ou est-ce que ça commencera dans 20 ans ou dans 30 ans, ça n'est pas capable de le dire. Mais on comprend les mécanismes par lesquels le changement climatique peut venir modifier. Alors El Niño, c'est des impacts extrêmement importants pour de très nombreuses populations. On a parlé de la pêche, mais en Indonésie, en Australie, c'est des sécheresses intenses. En Afrique de l'Est, des inondations, etc. Hein, donc c'est là, il y a un enjeu extrêmement important sur les impacts du changement climatique qui serait en fait modifié par à travers El Niño. Un mot pour conclure, Sabrina Spech, sur cette potentielle modification de la circulation thermohaline. Éric Guilliardi évoquait la fonte des glaciers du Groenland. Pire encore que la fonte des glaciers du Groenland, on parle de la fonte des glaciers de l'Antarctique, hein, qui sont d'un volume autrement plus important aujourd'hui, c'est-à-dire injecter de l'eau douce en masse dans cet océan profond dont on sait qu'il est extrêmement sensible à la différence de densité et de salinité. Ça pourrait effectivement dérégler toute cette machine très lente. Alors, et il faut dire que là, en Antarctique, on a un continent qui est assis sur un pôle où il fera toujours moins 50. Donc, ce qui règle les échanges océan-atmosphère sont les vents catabatiques. Et ces vents catabatiques, même avec un réchauffement climatique, je veux dire, il y aura toujours une nuit polaire. Oui. Il y aura. Je peux vous dire, en revenant dans l'Antarctique-Est est une zone relativement protégée justement du réchauffement climatique en grande partie par les phénomènes que vous décrivez. Voilà. Donc, il y aura probablement des fontes, une fonte qui augmente parce que c'est essentiellement dû au rôle de l'océan plus chaud qui fait fondre la partie de la calotte glaciaire qui est dans l'eau. Puis la péninsule d'Antarctique Ouest qui, elle, est soumise au réchauffement climatique. Exactement, mais je pense que ça ne veut pas changer complètement ce qu'on connaît aujourd'hui. Éric Guilliardi ? Oui, c'est, encore une fois, c'est un endroit où on a très peu de recul, où on commence à comprendre comment ça fonctionne. Et certes, la fonte des glaciers terrestres, c'est-à-dire à la fois les glaciers dans nos montagnes tropicaux, mais aussi le Groenland et l'Antarctique, qui sont les endroits qui sont posés sur un socle rocheux, contribuent à la montée du niveau de la mer. La dernière période glaciaire, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Donc le niveau de la mer est monté de 120 mètres essentiellement par la fonte des calottes, sauf celles qui restent aujourd'hui, c'est-à-dire le Groenland et l'Antarctique. Aujourd'hui, on a à peu près monté de quelques dizaines de centimètres le niveau de la mer, on monte de 3,5 mm par an en moyenne. À la fin du siècle, on s'attend à la fois par la fonte des glaciers, mais aussi la dilatation de l'eau, hein, qu'elle devient plus chaude, à une montée qui peut atteindre 1 mètre en moyenne. Maintenant, localement, ça peut être très différent, suivant les vents, les fameux vents océaniques qui font monter ou descendre l'océan. Donc là, on a encore beaucoup de travail pour comprendre toutes ces influences réciproques, mais c'est ça qui est passionnant. Et puis, bien, j'en profite pour vous dire que, à ce propos, samedi, ce sera, si vous n'avez rien à faire ou si vous avez d'autres choses à faire, vous pouvez tout annuler pour venir nous rejoindre dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, puisque c'est une journée, le premier forum de France Culture, l'année vue par les savoirs, qui sera précisément consacré à cette question de l'après, c'est-à-dire de dire non plus comment faire pour empêcher le réchauffement climatique, mais de se dire comment faire pour vivre dans le monde d'après. Que se passe-t-il dans un monde à plus de degrés? Et surtout, comment la science, qu'est-ce que la science peut nous dire et peut nous indiquer pour cette vie dans ce monde post-dérèglement climatique? C'est dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Pour le moment, ça a l'air d'être complet, mais peut-être d'autres places vont être ouvertes. C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire. Il y aura évidemment de la philosophie, de l'histoire, des sciences, un grand entretien culturel. Tout ça, c'est sur franceculture.fr ou maisondelaradio.fr. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux d'être venus nous parler beaucoup. Des courants océaniques. Merci Sabrina Spech, merci Éric Guilliardi. Merci. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Guette-Saint-Ville France, Céline Lausanne et Honor Pérez, Olivier Bétard, Bruno Gagnère-Fontani à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, en cette période de troubles populaires et démocratiques, et bien demain nous interrogerons les civic tech, ces technologies numériques qui ont pour ambition de revitaliser la démocratie directe. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.